Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL au 89.1 et vous écoutez toujours Futur Simple. Et nous allons finir l'émission comme nous l'avons commencé, c'est-à-dire en parlant de nourriture. Alors, probablement que Lobo, Macintosh, Gala vous disent quelque chose. Ce sont trois variétés très connues de pommes. Mais est-ce que la variété de pommes ne se limite qu'à ces variétés que nous présentent les supermarchés? Dans le même ordre d'idée, est-ce qu'il n'y a que la vache Holstein qui peut nous fournir notre lait pour nos céréales? Une perte de diversité très notable se fait voir dans le domaine agroalimentaire, en fait. Cette perte de diversité est sérieuse au point qu'une réserve mondiale de semences au Svalbard a été fondée il y a peu en Norvège. Et notre chroniqueur Nicolas Garceau va nous parler un peu plus précisément de cette perte de diversité alimentaire. Bonjour Nicolas. Bonjour Valérie. En effet, le Svalbard, c'est une réserve mondiale de semences qui a été créée. C'est affectueusement appelé le frigo du monde, si on veut, parce qu'on y conserve à moins 18 degrés Celsius plusieurs milliers de variétés de graines de toutes sortes. Ça a été le but de ce véritable bunker, c'est vraiment un bunker, c'est être une banque de la diversité alimentaire du globe afin de protéger l'humanité contre d'éventuelles crises alimentaires majeures. Le frigo, il est sur l'île du Spitsberg, qui est une île au nord de la Norvège, avant le pôle. C'est vraiment la dernière avant le pôle nord. Le bunker a été creusé dans le pergélisol. Il est en plus refroidi afin de le maintenir à moins 18 degrés Celsius. Il est situé à 150 mètres au-dessus du niveau des mers pour le protéger d'éventuelles fonte des glaces. Il est en plus dans une région où il y a très peu d'activités sismiques. Et même en cas de panne, les chambres refroidies profiteraient de l'inertie de la montagne et prendraient 25 heures à remonter à moins 5 degrés Celsius. Donc, les semences sont assez bien protégées. Mais pour l'instant, il n'y a que des variétés naturelles. Aucun OGM n'est admis dans les banques de semences du Svalbard. Mais ça paraît quand même un peu exagéré comme mesure de protection, quasiment le début d'un film catastrophique. Est-ce qu'il n'y a pas de crise importante en vue ou de catastrophe imminente pourtant quand même? Bien, en fait, on est un petit peu plus près d'une catastrophe alimentaire qu'on le pense. Comment pensez-vous qu'il y a de variétés de riz dans le monde? C'est pas facile. On pense instinctivement à le riz blanc, le riz brun, le riz basmati et le riz sauvage, si on force un peu. Bien non, il y a plus de 100 000 variétés de riz différentes. Cependant, l'agriculture industrielle n'utilise que quelques variétés qui ont été optimisées au niveau des rendements. On veut le plus de nourriture possible sur le même plan. Mais dans la nature, tout a un prix. Puis ces plans-là, bon, forcément, ils ont été sélectionnés. Et cette sélection artificielle-là affaiblit le patrimoine génétique des plants. Donc, forcément, ces plants-là sont plus sensibles à d'éventuelles bactéries et autres. Il faut compenser les faiblesses par des engrais, des pesticides pour les faire pousser correctement. Ouais. Autrement dit, on se retrouve avec toujours les mêmes plants qui nous donnent l'ensemble de notre nourriture. On mange toujours la même chose. Oui, exactement. Pour vous donner un exemple frappant, il y a une enquête qui a été faite par le département américain de l'agriculture en 1983. Ils ont comparé le nombre de variétés de semences qui avaient été enregistrées dans les graineries américaines de 1903 avec celles du National Seed Storage Laboratory en 1983. Donc, 80 ans de différence. Les résultats, c'est assez saisissant. En 80 ans, près de 83% de la variété était éteinte. Il y avait 487 variétés de laitue en 1903, seulement 36 en 1983. 544 choux pour seulement 28 variétés en 1983. C'est assez impressionnant. Ouais, c'est quand même assez alarmant. On perd probablement quelque chose au niveau gustatif. Ah, tout à fait. Puis un autre exemple, le riz, le blé, le maïs, la pomme de terre, maintenant, ça représente 60% de l'apport énergétique de la planète. Seulement pour ces plantes-là. Ouais. Donc, on est très dépendant d'un nombre très réduit. Ouais. Alors, je suppose que la plus grande menace serait une maladie dans une de ces trois plantes-là, par exemple. Exactement. laissez-moi faire un petit retour en arrière, dans l'histoire. Puis ça tombe bien, moi, justement, la Saint-Patrick, c'était juste il y a deux semaines. Donc, les Irlandais, si on retourne en Irlande, vous rappelez sûrement, vous avez sûrement entendu parler de la grande famine qui a touché l'Irlande en 1845. Il y a eu près d'un million de morts et 2 millions de réfugiés, dont plusieurs sont venus au Québec, là, en passant par Grosse-Île. La cause de la famine, c'est les Irlandais se nourrissaient principalement de la pomme de terre. Les récoltes furent anéanties par le mildiou. C'est un omicète, un micro-organisme qui ressemble à un champignon. Autrement dit, plus on réduit la diversité de nos sources alimentaires, on est captifs et on s'expose à ce genre de problème qui peut arriver beaucoup plus rapidement qu'on pense. Mais donc ça, c'est un petit peu bon, c'est arrivé une fois dans le passé. Est-ce qu'il y a des menaces similaires qui planent? Malheureusement, oui. Et c'est une histoire un peu ironique parce que ça remonte à un succès de l'agriculture. En 1944, il y avait de gros problèmes justement au Mexique avec des récoltes de blé. Ceci était attaqué avec une épidémie de rouille noire. C'est un champignon qui s'attaque aux plants de blé qui détruisait les récoltes. Ça causait là, de la famine généralisée au Mexique. En croisant plusieurs hybrides de blé du monde, on a réussi à obtenir une variété qui était résistante à la rouille. Puis ça a permis de sauver les récoltes au Mexique. Par la suite, ça a été introduit en Inde et au Pakistan, ce qui a permis de doubler la production là-bas de blé et sauver près de 1 milliard de personnes de la faim. Mm-hmm. Ça a été un bon succès. Ouais, ouais. Mais malheureusement, justement, la rouille noire n'a pas dit son dernier mot. C'est un champignon qui mute très rapidement. Puis dernièrement, il y a une souche en particulier qui inquiète les spécialistes. C'est la souche UG99. Encore un autre avec des lettres et des chiffres. Ça fait un bon titre de film. Elle fut identifiée pour la première fois en Ouganda en 1999, d'où le nom UG99. Le blé de par le monde n'est pas protégé contre cette souche-là. Et la souche a déjà atteint le Kenya, l'Éthiopie, le Soudan, le Yémen et l'Iran, puis il pourrait très bientôt atteindre les greniers de l'Inde et du Pakistan, ce qui pourrait être très problématique. Parce que par la suite, ça pourrait facilement passer en Chine et en Russie, puis c'est juste une question de temps par la suite que ça vienne aux États-Unis et que ça détruise les récoltes. Si jamais ça arrive, seulement pour le continent africain et asiatique, près d'un milliard d'humains seraient privés de leur principale source de nourriture. Cette rouille-là, donc, ça s'attaquerait cette fois-ci au blé, c'est ça? Exactement. D'accord. Donc, plus de blé. Les pâtes, tout simplement. Les pâtes alimentaires. Il y a énormément de ressources alimentaires qui sont carrément coupées. Là. Puis c'est pas juste au niveau industriel. Il y a le côté monétaire et le côté aussi des vies qui est très important. Là. Il y a des populations entières qui vivent que de ça. Ouais. Mais là, donc, parce que tu nous as parlé du bunker de Svalbard au début. Donc, comment ce bunker de Svalbard pourrait nous aider en cas de problème avec la rouille noire ou de catastrophes similaires, de maladies similaires? Justement, le bunker se veut comme une espèce de banque, de copie de sauvegarde des semences du monde. Il y en existe ailleurs, ce qu'on appelle des banques génétiques. Il y en a près de 1400 au travers du monde. Et un des buts recherchés du Svalbard, c'est d'avoir suffisamment d'espace pour garder une copie de l'ensemble de ces banques génétiques-là qui sont pour entreposer en plus d'entreposer de nouvelles variétés qui ne sont pas entreposées ailleurs. Ça vient de l'idée que la plupart des banques génétiques, les 1400, sont souvent dans des zones de conflit, malheureusement. Donc, pas très sécuritaire. Par exemple, il y en avait une en Afghanistan, parce que l'Afghanistan est très riche en variétés de blé, justement comme on parlait. Mais, la banque, il y en existait une, et elle a été détruite durant les conflits, forcément. Ouais. Un autre exemple, c'est du côté des Philippines. Il y a un typhon qui a emporté la variété, la banque de variétés de riz. Ah. Il possédait énormément de variétés de riz, mais malheureusement, tout a été détruit. Puis c'est assez dramatique parce qu'on ne perd pas juste le matériel génétique, mais aussi toutes les caractéristiques de ces plants-là qui pourraient peut-être justement nous permettre de résister à soit des étés chauds, des hivers froids, de développer dans des conditions de sécheresse, dans des régions propices aux inondations, faire face aux animaux, aux parasites, aux maladies, etc. Sans parler des possibles conséquences des réchauffements climatiques. Puis en plus, c'est dommage justement parce qu'on profite pas des variétés en tant que telles, des milliers de goûts possibles pour les animaux. Ben le côté épicurien ressort c'est aussi. Ça, exactement. Par exemple, les pommes qu'on parlait au début de l'émission, on a sélectionné celles qui restent fermes le plus longtemps possible pour qu'elles puissent être transportées dans les camions sans être poquées, pour qu'elles arrivent au marché belle forme. Oui, mais peut-être au détriment d'un goût puis d'un goût plus juteux et plus sucré. On y perd au change un petit peu. Un bon exemple pour montrer à quel point les différentes variétés d'un aliment peuvent présenter des avantages indéniables, c'est la pomme de terre. Dans les champs du Pérou et de la Bolivie, d'où origine la pomme de terre, les cultivateurs utilisent énormément de variétés. Ils plantent énormément de variétés justement pour se prémunir contre d'éventuelles catastrophes. Il y a tellement de variétés de pommes de terre qu'elles peuvent constituer à elles seules un régime alimentaire complet. Ah oui? Donc, on trouve tous les éléments. On trouve tous les éléments qu'on a besoin. C'est assez incroyable. Ouais. Il y a des images incroyables de pommes de terre, des bleus, des jaunes, des rouges, toutes les formes et aussi toutes les qualités nutritives. Ouais. Je vous parlais tout à l'heure des 1400 banques génétiques. Il y en existe une dans l'Iowa, aux États-Unis, qui s'appelle le Heritage Farm. C'est possible. À chaque année, ils publient un catalogue de leurs semences. Ça ressemble à un gros bottin téléphonique, mais on a des photos, puis il y a l'historique de chacune des semences. Et des semences exotiques, d'haricots, d'ail, mais aussi des semences, comment on pourrait dire, ancestrales. C'est ça, oui. Ouais, ouais. Donc, entre autres, une que j'aime bien, le nom, c'est une pomme qui s'appelle la Soaps of Wine. C'est une pomme qui daterait du Moyen-Âge. La variété n'a pas changé depuis le Moyen-Âge. Je sens que tu es un amateur de pommes. Je suis un amateur de bonne bouffe, tout simplement. On pourrait dire que ça commence à revenir un petit peu à la mode d'utiliser les variétés locales, de profiter justement de ces variétés. Peut-être des espèces qui sont plus rustiques aussi. Oui, des espèces qui sont justement adaptées aux conditions locales. Aux conditions locales, c'est ça. Qui ne sont pas nécessairement plus productives, mais qui permettent de résister au froid, par exemple, comme au Québec, ou encore à d'autres conditions qui sont plus qui sont locales. Avant de se quitter, on a parlé quasi seulement des plantes, mais cette réalité-là existe aussi pour le bétail. Tu vas nous en parler dans 2 semaines. Ça pourrait être une idée. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Ça fait plaisir.